J'ai toujours l'impression de voir en face de moi un jeune Marvin Gaye ressuscité avec son chapeau et sa beubare, comme disent les jeunes. De lui, il a, outre la même pigmentation, une trajectoire assez similaire. Mon invité du jour me reprendra si je me trompe. Il a commencé à faire des choses convenues et parfois même un peu banales pour au final dire les choses qui l'animent vraiment, du début à aujourd'hui. On espère que Lenny Mbunga, c'est le nom de notre deuxième invité après Shirley Soignon, qui a par ailleurs à peu de choses près le même itinéraire que toi, ne connaîtra pas la même fin que Marvin Gaye. Le racisme, la colonisation, qui contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas totalement terminée. On en parle donc avec toi, Lenny. C'est notre deuxième épisode de LOL Me Tender. J'ai vraiment forcé sur le E à la fin. Ouais, mais c'était un accent américain incroyable. LOL Me Tender. Ok. Marvin Gaye. Yeah, man. Yeah. Non, tu as un peu la même trajectoire. Tu vas te faire tuer par ton père. Et la voix que la voix masculine, outre celle de Lenny, l'autre voix masculine qu'on entend derrière le micro, c'est celle de Raphaël. Ça me met beaucoup de pression quand tu dis masculine. Du coup, je suis obligé de parler avec une voix pas plus grave comme ça. Ouais, voilà. Bonjour Raphaël, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien. Bah écoute, parfait. Ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu, mais bon, le plaisir est toujours le même. Ça me fait plaisir qu'on prenne de nouvelles au micro, comme exactement, ça. Exactement, ouais. Et par, voilà, ça s'est pas perdu avec Lenny et tout. Voilà. Ouais, pardon Lenny, ok. C'est un petit peu notre moment, nous, ça va pas se reproduire. Ça va? Ça va et vous? Cool. Toujours. Très bien. Est-ce que c'est vrai que tu as voulu devenir à tes débuts, devenir prêtre? Waouh! Ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Ouais, je voulais être, prêtre, mais alors pour les très mauvaises raisons. Je trouvais ça juste trop cool d'être habillé en blanc, de dire des choses, les gens ils font ça. Oh putain, j'ai le même pouvoir! Toi, c'est juste la soutane, ça t'a branché. Alors, moi, il faut savoir deux choses. J'ai eu une éducation assez catholique, pas par mes parents, parce que mes parents sont. Ma mère était catholique, mais mon père était. Congolais. Ah ouais. Ça résume le truc. C'est les darons congolais à l'ancienne. C'est genre, vas-y, on vit, après on verra, tu vois. Et donc, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Et comme j'étais dans une école catholique, entouré d'enfants catholiques, je me suis dit, bon, bah. Ouais, ça a l'air d'être cool, hein. Ouais. Et en fait, je les ai vus manger des chips un jour. J'ai dit, wow. T'es l'hostile. Des chips sans goût, ouais. Non, j'ai jamais goûté ce que c'était. Tu sais que j'ai, un jour, la première fois que je rentre dans une église, je vois tout le monde qui se lève pour aller en prendre. Moi, je me dis, je vais en prendre, tu vois. Moi aussi, je veux des chips, tu vois. Donc, je fais la queue. Et j'arrive au prêtre et il me tord le truc. Et moi, je sais pas qu'il y a une manière. Tu sais, il y a soit ça, oui, soit tu les mains, soit tu tords la bouche. Ouais. Je tords la langue. Et moi, je fais bon, bah. Il voit que j'hésite. J'ai regardé en plus. Juste avant, je regardais. Je fais, okay, lui fait ça, lui fait ça. Il voit que j'hésite. Je suis en mode. Il me regarde, il fait. Tu as fait ta communion. Je fais. Bah quoi? Il a lu dans ton âme. Allez, casse-toi. Je suis passé devant toute la file qui m'ont regardé, genre. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il n'y a pas tous les plaisirs autour, quoi. Enfin, tu vois, non, c'est ouais, vraiment une vie très monacale. Je te jure, quand tu fais petit, tu vois pas ça. Moi, je connaissais pas ça. Tu rentres dans une église, tu vois un mec en blanc qui fait oui, Jésus a dit, les gens ils font amen. Tu fais oh putain. Si tu peux permettre, si le prêtre il a dit allez, casse-toi, c'est quand même un très mauvais prêtre. Non, il m'a pas dit allez, casse-toi, mais tu sais, il m'a fait un signe genre allez, porte de la fille, tu vois. Et il y a un côté un peu. C'était peut-être pas pour ça que t'as voulu commencer comme ça, un côté un peu stand-up dans le fait que le prêtre prenne la parole devant tant de gens. Il y a un côté peut-être m'as-tu vu. Ouais. J'aime accaparer l'attention. Brillant. Sous-Marie, Jésus. Ouais, voilà. Je pense, il y a de ça. Ouais. Et autre croyance qui est peut-être une légende, est-ce que c'est vrai qu'on te confond avec Denzel Washington? Ça, c'est une légende à 2000%. J'aurais aimé. Hein. Ah, t'aurais tellement pu surfer sur un là-dessus. Laisse tomber. Denzel est en France. Ouais. Oh my God. Je vais essayer quelques blagues en français. Je ne connais pas trop votre langue. Je pense sur un malentendu, ça passe. On t'a connu à tes débuts sous le pseudo de Lenny Harvey. Ouais. Et puis maintenant, c'est Lenny Mbunga. Bunga. Bunga, pardon. Ils ne sont pas prononcés le M, non. Pardon. Mais oui. C'est quoi, les Français font vous ça? Mbappé. Mbappé, ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, c'est Mbappé, c'est tout. Mbappé. Il n'y a que Abby Bay, le consultant du Canal Football Club, qui dit Mbappé, je crois. C'est pour ça qu'il faut plus de consultants. Pour bien prononcer les noms de famille. Et du coup, pourquoi ce changement? Lenny Harvey, Lenny Mbunga. Tu l'as très bien résumé tout à l'heure en me disant qu'avant, je faisais des trucs un peu... D'accord, donc je ne m'étais pas trompé. Non, c'était parfait. Je faisais des trucs juste qui servaient à rire. Ou... Tu sais, moi, mon but, c'était il faut faire rire. Point. Et oui. À cette époque-là, c'était un peu... Moi, j'étais naïf, clairement. J'étais naïf à cette époque. J'étais niais, même, on peut dire. Et tu veux juste faire rire les gens. Et moi, je me disais, ouais, il me faut un nom. Parce que je me disais Bunga, en fait, pour les réseaux sociaux, tout ça. Tu sais, quand même, à l'époque, c'était le début. Les gens n'auraient jamais retenu. M'Bunga. Et ouais. Genre, vas-y, tu m'as perdu à M. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il fallait un nom qui. Oui, qui claque américain. Qui, claque, un peu, qui sonne, ouais, qui claque américain. Tu dis au cas où si un Georges Perse, que je me barre de la France. Ah, Lenny Harvey, tu es ici, non, Washington, yeah. Ah, c'est vrai que c'était tout droit, quoi. T'avais rien à changer, quoi. Donc, je me dis Harvey. Pourquoi Harvey? Pour plusieurs raisons. Il y avait à cause de. La série Weinstein déjà. Non, c'est sûr, 100%. C'est bon. Non, et à cause de la série Racine, je sais pas si tu te souviens, c'était une série. Non. Ça passait, en fait, c'était une série sur l'esclavage, sur la traite négrière. Et on le regardait quand on était petit. C'était la saga du dimanche. C'était le dimanche après-midi, quelques, tu vois. Quelques réminiscences de ça. C'était la fameuse série où il demande son nom et il donne son. Ouais, c'est Hakunta Kinte. Ouais. Ouais. Ah oui, d'accord, voilà. D'accord, d'accord. Et ouais. Donc, dans cette série, en fait, ça suit le parcours d'un homme, Hakunta Kinte, en fait, qui a été enlevé de la Guinée, je crois, d'Afrique, jusqu'aux États-Unis. Et en fait, ça retrace la génération de plusieurs générations de sa famille sur, jusqu'à son dernier. Enfin. T'as une des descendants qui a écrit, qui a fait l'autobiographie de Malcolm X. D'accord. Ok. Et c'est lui qui a écrit le roman Racine. D'accord. Qui retrace toute l'histoire de sa famille. Il a fait des recherches, toute l'histoire de sa famille. Il a parti chercher dans des ports de négriers pour voir les registres et tout. Enfin, c'est ouf. Il a fait un vrai travail. Il est reparti en Afrique, retourner voir des griots, enfin, et d'accord. Écouter l'histoire de ses ancêtres jusqu'à ce qu'il se rende compte que un des ancêtres dont lequel il parle, c'est son ancêtre qui s'est fait capturer et qui recherchait. Dans une des générations, il y a un de ses descendants qui s'appelle Tom Harvey. Et pour moi, ça a toujours été le genre de mec... Tu sais, comme les gens avant, ils disaient « Ouais, moi, je veux être un papa comme Charles Ingalls, tu vois ?» Non, moi, je voulais être un papa comme Tom Harvey. Ce mec, non, mais je te jure, c'était le mec droit, il avait des filles, il savait comment les gérer à une époque pas facile. Et en même temps, il savait comment parler à la masse blanche américaine de cette époque-là, tout en gardant son... Son côté, je suis fier, je suis un homme noir, mais fier, tu vois. T'avais quel âge, là? À cette époque, je devais avoir... quand je regardais la série ou quand... Quand tu regardais la série. Quand je regardais la série, je devais avoir, peut-être 10 ans. D'accord. Et quand t'as eu la prise de conscience que ton nom de scène serait Lenny Harvey? Alors là, ça a été... Intéressant? Non, ça a été 2013, 2014. D'accord, donc il y avait une prise de conscience dès le départ, quoi, en fait. Non. Mais le texte ne suivait pas. Je pense pas qu'il y avait une prise de conscience. Je pense que juste dans ma tête, c'était moi, j'étais un homme que j'aime bien, donc je veux ça. Ouais. Il y avait ça, il y avait à cause de Steve Harvey, un humoriste américain. D'accord. Que j'aimais beaucoup. Je trouvais... Et à cause de Harvey Specter dans la série Suits aussi. Oui. Et tout est arrivé au bon moment, tu vois. Ah ouais, c'est tellement ça. Harvey, ce claque. Jusqu'à Weinstein. Jusqu'à Harvey Weinstein. Et je dis, faut vite que je change. Et en 2007, j'ai changé. Ouais. En 2007. En 2000. Non. On est encore en 2019, enlève 5 ans. Que tu voulais pas te mentir. C'est pas que je voulais pas me mentir, c'est juste que je commençais à me trouver dans ce que je voulais défendre. Donc j'ai dit, vas-y, il faut que je reprenne mon nom de famille tout simplement en fait. Ouais, d'accord. Pourquoi je cherche. Ouais. Tu arrives t'arrives à Paris à quel âge? Parce que tu viens de Nice. Ouais. T'es arrivé à quel âge à Paris? 17 ans. 17 ans. Et est-ce que Nice, c'est déjà une ville qui t'a un peu donné envie d'écrire et notamment d'écrire sur le racisme? Pas du tout. D'accord. C'est ça qui est ouf. C'est que. Parce que c'est pas une ville. Je pense que. Alors, tu vois, comme je dis. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de Noirs. Salut Christian Estrosi. Cri-cri, comment on l'appelle. Je crois que c'est le cas pour beaucoup de Noirs qui viennent de province. De ma génération, je sais pas si les générations d'après c'est comme ça, mais je pense. Pas tous, hein, mais beaucoup. Il y a ce truc où, quand t'es le seul Noir, tu deviens vite la mascotte, tu sais, de ta classe. Donc. T'as déjà quelque chose de différent, tu sors déjà du lot quoi qu'il arrive. Ouais. Donc déjà pour moi, au lieu de me dire ouais je sors du lot mais je vais être victimisé, je me dis non, je sors du lot mais il faut que je... Clairement, ça va être un truc où c'est moi qui va dicter ce que... J'ai eu droit à toutes les vannes du monde, tu sais, franchement j'ai fait des classes de neige et tout, donc j'ai eu droit à toutes les vannes du monde, genre Lenny sourit, on ne voit pas dans le noir jusqu'à... En fait c'est que les enfants ça va, mais c'est aussi les accompagnants qui eux ne voient pas parce qu'ils ont été élevés pareil que ces enfants ou tu sais moi j'ai droit à des moniteurs de ski qui me disaient à l'époque je faisais du snow et des moniteurs de snow qui m'ont dit ouais qui a fait, je sais plus qui avait pris un truc volé un truc et tout et ils font c'est pas Lenny il est blanc comme neige tu vois donc tu te dis ok super et puis même je pense que tu le vois pas non plus je pense tu vois toi tu prends ça comme une blague. Tu dis pas c'est raciste, tu dis juste c'est une blague. En fait, non, mais tu te l'as dit après. Même quelques années après. Après, oui. C'est genre que quand tu prends conscience, tu te dis ah ouais, en fait, tout ça. Ouais. Parce que moi, je vois beaucoup d'humoristes qui me disent ouais, moi, j'ai pas vécu le racisme. Je pense que si, mais tu le vois pas. C'est que t'en as pas conscience, en fait. Parce que pour toi, ça a toujours été comme ça. La normalité, il y a personne qui est venu te voir et qui t'a dit excuse-moi. Non, ça, mais là, pas, oui. C'est raciste. Bien sûr. Toi, t'es grandi avec non. Moi, j'ai grandi tout le temps comme ça. Enfin, de la maternelle jusqu'en terminale, j'ai grandi en mode. Tout est normal, quoi. Ouais, c'est normal, quoi. Parce que c'est insidieux, en même temps. T'as des petites remarques, tu as des petites c'est insinuations. C'est des remarques, en mode je rigole et tout. Tu sais, ça a jamais été. Jamais on est venu me voir méchamment, en mode genre, ça l'est. À Paris, oui. Ouais. Tu vois ce que qui est ouf? C'est que. En province, j'ai jamais eu de truc frontal où les mecs sont venus me voir. Ou alors je l'ai vu, mais. Tu sais, pour moi, c'était des cons. C'était genre, j'étais parti une fois en Bourgogne, et je sais pas, on avait fait un match de foot, et puis il y avait un mec qui était rasé, skinhead, foncedé, qui était tout le temps sur moi, en mode genre, je me fais le petit nègre. Tu vois. Ouais. En mode genre. Bon, tu te dis, ouais, le beauf, quoi. C'est un beauf. Ouais. Pour moi, c'est un mec qui était. Déjà à l'époque, je me disais, vas-y, le mec, t'es loin. Et non, c'est quand je suis arrivé sur Paris que. Ouais. À Paris, j'ai. Voilà. Une autre partie de ma vie que vous ne savez pas. J'ai été ultra. J'ai été ultra au PSG. Non, oh là là, c'est. Faudra un petit moment de ma vie. C'est le moment gênant par rapport à Moni. Moi, je suis ultra l'OM, tu sais ça. Oh là là. C'est ça qui est gênant, mon gars. C'est qu'il y a des ultras à l'OM. Ça, c'est gênant. Allez, l'émission est terminée. C'est gênant pour la France entière. Du coup, t'étais ultra du PSG. J'étais ultra pendant un petit moment et c'est là où j'ai vu vraiment ce que c'était que le vrai racisme. Des mecs qui viennent te voir. Mais oui, non, mais Lenny, c'est exactement ce que je reproche à quelques ultras du PSG. Ouais, mais. Tu vois. Ouais, mais alors. Il faut voir l'historique de notamment à Boulogne. Je pense que c'est lié à la ville. Il faut voir l'historique de la ville. Comme Marseille, on a beau dire ce qu'on veut, mais Marseille, les quartiers sont dans la ville. Oui, ça c'est vrai, exactement. C'est mélangé à truc. Tu veux passer par les gares Saint-Charles, t'es obligé de passer par les quartiers. Ouais. Tu veux aller dans cet endroit, t'es obligé de passer par les quartiers. Il y a des quartiers dans la ville de Paris aussi. Tu vois, dans le 18e, dans le 19e. Ouais, mais non. Tu vois. À une époque, je veux bien. C'est pas des quartiers, parce que ça reste. Il y a un niveau. Oui. C'est pas aussi central qu'à Marseille. Ouais, Marseille, c'est vraiment. Comme c'est central, c'est vraiment dans le cœur de la ville, quoi. Alors qu'à Paris, c'est à l'extérieur. Tu vois, c'est. Donc, à Paris, moi, je pense que. Regarde le contexte. Le stade, pour moi, c'était le contexte politique parisien. T'as une tribune familiale, donc la tribune des gens de Paris qui viennent, où c'est très bobo, tout ça. Tribune présidentielle, donc tu sens que c'est les gens très riches, les gens le chemise et tout. Et une partie, c'est la tribune de Boulogne, qui est, faut pas oublier, elle a été fondée par des fils d'ouvriers. Et leur discours, c'était nos parents sont volés notre taf par les étrangers, c'est ça leur truc. Donc, t'avais le côté très parisien, français, la France français, bleu, blanc, rouge. Et puis t'avais le côté mixité, Auteuil, qui disait, bah ouais, c'était les banlieues. Et moi, pour moi, c'était totalement ça. En vrai, tu veux regarder comment est ta ville, regarde ton stade. Ton stade te dit, dire clairement comment est ta ville, en fait. Ouais. Et Paris, ça a été ça pendant des années. Mais ça commence à changer. Est-ce que ça a été fait de la bonne façon? Je ne pense pas. Non, mais encore des résidus. Enfin, on ne peut pas dire que c'est totalement terminé, quoi. Et pour le coup, là, ça va être un peu primaire ce que je vais dire, tu vois, mais le président du PSG est rebeu. Tu vois? Et t'as des mecs de Boulogne qui sont riches. Donc il est plus rebeu. Ouais. C'est faut que t'as de l'argent, t'es plus rien, mec. J'ai plus de couleur, c'est fini. Je te dis, mais demande à Beyoncé et Jessie, on va dire de noir. Dans ma chanson, oui. En vrai, je le vis plus depuis très longtemps. Ouais. Tu fréquentes le cours Florent. Ouais. Tu l'as fréquenté combien de temps? Un an? Même pas. Même pas, d'accord. Quelques mois? 6-7 mois. Non. Ouais. Et tu te dis très vite que c'est pas fait pour toi, quoi. Non. Non. Je pense que, tu sais, quand tu viens de province, quand on te parle des cours Florent, c'est. Ouais. C'est le Graal. Ouais. Tu te dis, j'arrive là, demain, je sors. Festival de Cannes, laissez-moi tranquille. Et je pense que t'as aussi beaucoup ce côté undo stress pour beaucoup. Genre, tu arrives de la province, tu viens dans une école. Ouh, alors Roberto, tu poses ton sac, ouais. Et tu te regardes devant le miroir. Enfin, moi, j'arrive et je me rends compte que. Après, je vais pas chier sur les cours Florent, ok. Mais je pense que tout dépend du prof que t'as, tout simplement. Ouais. Je pense que. Ou même du cours que tu prends. Moi, j'ai pris les cours de l'après-midi, ce qui est pas le meilleur truc, parce que tu vas te retrouver avec tous les fils d'eux, tous les gens qui, en vrai, ne veulent pas faire ce métier. C'est juste, je veux être reconnu. Je dis pas qu'ils sont tous, mais une partie va te dire, ouais, moi, tout ce que je veux, c'est être reconnu. Si tu veux vraiment bosser, faut aller soit au cours du matin, parce que c'est les mecs qui travaillent le matin et qui savent que l'après-midi, ils ont un taf, comme ça, donc, soit le soir. Parce que c'est des mecs qui sont archi motivés, qui ont travaillé toute la journée. Ouais. Et si j'ai le soir, c'est qu'ils sont en mode genre. Ouais ils ont la force de venir après le boulot et tout. Ouais. Tu le vois bien. Et puis même, tu regardes leur classe libre souvent. La plupart, c'est des gens qui faisaient des cours du soir ou du matin parce que c'est des mecs, voyais qu'ils en voulaient, quoi. C'était pas. Déterminé. Et du coup, moi, je pense qu'il y a eu ça déjà qui m'a un peu bloqué. Et puis après, il y a eu le côté. J'ai pas eu les meilleurs profs au monde. Hein. Bon, au lieu de changer en cours d'année, j'ai dit non, moi ça me gave. Ouais, t'as fait l'après-midi, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Et du coup, ça t'a saoulé. Mais j'ai vécu des bons trucs. Hein, ouais. Il y a une phrase que j'ai envie de te lire, et tu la connaîtras sans doute, parce que c'est dans un livre que tu as lu. Après tout, être noir, ça se vit, ça ne se raconte pas. Ah oui, ça me dit quelque c'est chose. C'est le livre qui s'appelle Marianne et le petit garçon noir. Oui. Ouais. Et c'est ça qui t'a donné envie Marianne et les garçons noirs. D'être aujourd'hui. Alors, quelque part. Je sais pas si ça m'a... En vrai, je vais te dire un truc, je pense que ça, je l'avais, mais à moindre. Quand j'étais petit, tu vois, je regardais la bibliothèque de mon père, je voyais, il y avait l'autobiographie de Malcolm X, je les ai... Quand j'étais petit, je l'avais jamais lu. Mmh. Il a toujours été là chez mon père, je le regardais. Je fais Malcolm X, c'est qui? J'avais regardé le film, j'étais toujours en mode, oh, le film, il est bien, stop. Pour moi, c'était ça, Malcolm X, tu vois. Pareil, il y avait des livres sur Lumumba et tout, mais moi, quand t'es petit, t'es en mode, genre, je pense que tu le photographies dans ta mémoire, mais tu cherches pas à savoir. Pour toi, c'est juste des pages. Tu vois, c'est pas. Et à un moment, je me. Quand je. Il y a quoi? Il y a peut-être 7-8 ans, j'avais déjà eu. Commencer à avoir cette conscience, mais pour moi c'était autre chose. C'est pas pareil que l'humour, tu vois. C'était. Il y avait. Décorrélé, ouais. Il y avait. Le panafricanisme d'un côté et l'humour de l'autre. Ça, on pouvait pas allier ensemble, tu vois. Ouais. Donc, je commençais déjà à lire 2-3 livres. J'avais commencé à lire l'autobiographie de Malcolm X. J'avais. Franz Fanon, j'avais lu. Et c'est. Donc, je pense que c'était déjà là. Mais après, ça s'est endormi parce qu'à un moment, tu te dis, vas-y, j'en ai marre de lire, à quoi ça me sert et tout. Mais ça continue à travailler mentalement. Mais ça continue à travailler mentalement, mine de rien, parce que tu es tout le temps en perpétuelle recherche. Moi, je pense que j'ai été en perpétuelle recherche toute ma vie, jusqu'à encore maintenant, tu vois, les gens vont me dire, mais je pense qu'on est tout le temps à s'améliorer, à essayer de s'améliorer. Ce que disait Ayrton Senna. Non, tu vas me le dire. On est constamment en recherche de nous-mêmes. Waouh! C'est beau, hein? Très bien. Rest in peace. Voilà. Et petite pensée à Niccolo Da, qui est un de ses modèles aussi, qui est mort aujourd'hui. Voilà, c'était un des pilotes de McLaren dans les années 70. Ça, voilà. Ça se voit qu'il est en période de Formule 1 ou pas? Il est en période de Formule 1. Wow. Il va citer que des pilotes de F1. Alors, et comme disait Schumacher. Bonne position, dimanche prochain à Monaco. Alors, t'aimes pas trop qu'on dise de toi que tu es un humoriste engagé? Non. Parce que pour toi, l'engagement, ça ne va pas de pair avec l'humour. Si. Mais j'aime pas qu'on dise que je suis un humoriste engagé. Je suis engagé parce que ça me touche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, parce que tu Donc en vrai, c'est pas de l'engagement. C'est juste, mec, tu comprends que ça te touche physiquement et il faut faire quelque chose pour que ça change. Alors, c'est quoi la frontière pour toi entre l'humour engagé et l'humour? L'humour, de base, comme je dis, c'est tu cherches juste à faire rire et à vouloir montrer que t'es drôle. Et que tu peux retourner des salles juste en être drôle, t'as pas besoin d'avoir un message réellement. L'humour engagé, clairement, oui, il y a des messages derrière, et c'est ce que je fais, mais j'aime. En fait, je te dis, c'est que j'aime pas qu'on me donne ce. Parce que, en fait, tu vois vraiment les gens engagés, et tu te dis, ok. Comme qui, par exemple? Dans un des sketchs, je suis parti à la fac Paris 8, quand c'était occupé par les migrants. Et, mec, là, tu tombes sur des mecs, tu vois, c'est. Des gens d'association, tu vois, des vieilles personnes. Oui. Ouais. Des fois, je me pose la question, je me dis, on est tout le temps là en mode de se dire, ouais, les vieux français, c'est des racistes et tout. Frère, va là-bas. Des mecs qui donnent de leur temps, tu vois, c'est des vieux qui pourraient profiter de leur retraite, aller se barrer. Frère, c'est des vieux qui donnent de leur temps, c'est des étudiants qui donnent de leur temps. Et tu vois qu'ils sont engagés, tu vois, ils donnent des cours de français, ils donnent des cours de droit pour que ces gens s'en sortent, clairement. Ils gèrent les rations de nourriture, tu vois, ils les accompagnent à l'avocat. Pour moi, ça, c'est de l'engagement, tu vois. Ça, pour moi, c'est de l'engagement pur. Tu vois, même, tu vois, moi, je viens de Nice, quand j'étais petit, je passais mes vacances à Sospel. Sospel, c'est dans la vallée de Roya. C'est là où c'est un passage obligatoire. Oui, bien sûr. Et tu vois, je viens de voir le documentaire Libre de Cédric Héroux. Ouais. Ça, c'est de l'engagement, mon gars. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bah ouais. Pour moi, sûr. Ça, c'est de l'engagement. Oui, mais lui, il aurait peut-être pu choisir l'humour et faire ce qu'il fait, tu vois, par exemple. Oh, si, peut-être. Peut-être que lui, il aurait aimé avoir ce truc de. Ouais. Moi, je me dis juste, ça me touche personnellement parce que, clairement, je suis noir et donc forcément, pour que la situation des noirs dans le monde s'arrange, il faut que les situations s'arrangent dans tous les domaines. Et donc, moi, je me suis servi de l'humour. Est-ce que c'est de l'engagement? C'est juste de dire, les gars, regardez, au lieu de nous trouver tout le temps parano, dire juste regardez. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les violences policières à l'égard des Noirs en France et Noirs aux États-Unis? Beaucoup vont dire non parce que c'est pas la même histoire, blablabla. Moi, tout ce que je vois, c'est si. Bon, je sais pas si on peut faire un parallèle, mais on peut y voir un point commun. C'est ce que je disais avant, c'est que dans mon spectacle, je dis tant que en Afrique, ça s'arrange pas. Ça s'arrangera pas ailleurs. Ouais. Tu vois oui. Moi, je suis persuadé que tant qu'on n'aura pas une Afrique forte, des pays forts en Afrique, ouais. Partout dans le monde, ce sera la merde pour les Noirs. Tu regardes au Brésil, c'est la merde pour les Noirs. Tu regardes aux États-Unis, c'est la merde pour les Noirs. Tu regardes en Europe, c'est la merde pour les Noirs. En Asie, c'est la merde pour les Noirs. Et en Afrique même, c'est la merde pour les Noirs. Donc, ouais. À un moment, je pense que de là où. Je sais pas de là où tu viens, parce que non, parce que moi, je viens pas d'Afrique, mais mes racines sont d'Afrique, mais oui. Je pense que. Les gens aiment associer une couleur à un continent, ok. Si tu dis Afrique, ils vont dire noir, tu dis Asie, ils vont dire jaune, tu dis Europe, ils vont dire blanc. Et moi, je suis d'origine marocaine. Hein. Bah, tu vois, ce qui est ouf. Ouais, mais pour la plupart des gens, si tu dis Afrique, ils vont pas penser directement à Afrique du Nord, Maghreb, non. Ils vont dire oui, Afrique, je vois très bien. Les lions et les gatouilles. C'est dangereux, c'est dangereux. Ouais, voilà, tu vois, la maladie, le palais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si. Je pense qu'il y a des personnes qui ont très bien compris. Que l'image, c'est important. L'image de l'Europe partout dans le monde, c'est des gens qui ont de l'argent. Si tu vas partout dans le monde, ils vont voir un blanc, ils vont dire ce mec a de l'argent. Et si tu leur demandes pourquoi, parce que tu peux dire non, c'est un étudiant qui a galéré toute sa vie pour mettre de côté. Bah, mec, il est ici. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il est ici. Et l'histoire fait que. L'histoire qu'on nous apprend, en tout cas, fait que tout le monde, que bah, les blancs, c'est les conquérants, les européens, c'est des conquérants, c'est des gens qui sont allés sur la Lune, c'est des gens qui ont tout fait, qui ont civilisé, qui ont. On te montre pas le côté genre oui mais c'est des mecs qui ont massacré toute une population, la moitié de notre population qui ont écrit l'histoire comme ils voulaient, du coup aujourd'hui on vit avec cette histoire, on se dit bah faut s'adapter à ça, tu vois. Et donc bah, le noir c'est pareil, si t'as une image d'esclave, de colonisé aujourd'hui, de paillasson du monde pour moi, bah t'attends pas à ce que tu sois bien traité, tant que t'as pas en tout cas de l'argent, t'attends pas à être bien traité dans ailleurs. J'ai une fois, j'en parlais avec mes frères et on avait une phrase assez cool, je disais pour moi l'Afrique c'est comme une maison, tu vois. Dans une maison, et au lieu de tous manger à la même table et rigoler, on est tous en train de s'engueuler. On s'engueule, tout ça. Donc tu te dis quoi? Bah vas-y, ça me saoule, je vais aller manger chez les autres. Ouais. Donc tu vas dehors, tu sors de ta maison, tu vas dans les autres maisons. Sauf que là-bas, dans les autres maisons, bah, tu vas manger juste les poubelles des autres. En fait. Ouais. Tu vas manger les poubelles des autres, tu vas manger les restes des autres. Ouais. Et par contre, eux, les autres, quand ils sortent de chez eux et qu'ils vont chez toi, tout le monde sort les couverts, tu vois, on dresse la nappe. Ouais. Donc à un moment... Ça, c'est des sujets que tu abordes, par exemple, dans ton spectacle Diaspéralement Vôtre. Ouais. Est-ce que c'est quoi les retours des gens qui viennent te voir après le spectacle? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'ils ont appris pas mal de choses. Ouais. Donc, rien que ça, pour moi, ça me fait plaisir. Ouais. Tu vois, le fait d'avoir appris des choses, pour moi, rien que ça. Qu'ils ont appris pas mal de choses et que ça fait. Bah, moi, j'aime pas. Parce que ça fait genre. Je me branle, tu vois. ça fait vraiment genre. C'est bien d'entendre parler de ces thèmes sans que ça soit... Non, mais tu les abordes d'une nouvelle façon, on peut le dire. Oh. Et puis, tu peux être prescripteur aussi, Donc, bah, comme quelques autres humoristes le sont en France. Et heureusement qu'il y a une résurgence, tu vois, de l'humour qui fait apprendre des choses aux gens. Bah, c'est cool. Parce que je pense que, tu vois, les blagues sur Tinder et tout nanana, je pense que ça a une fin, là, clairement. Tu vois. Ouais, ça, bah, non, il y aura autre chose. Oui, bah, bien sûr. Ça sera la fin des blagues sur Tinder, il y aura des blagues sur Instagram. Mais cette autre chose, c'est peut-être toi. Hein? Cette autre chose, ce futur, c'est peut-être toi. Putain, c'est beau. C'est peut-être. Beau. Hein. Ouais. Bon, alors, Mos Def. Wouh! Mos Def. Alors, il faut savoir que Mos Def a appelé deux fois Lenny. Pour faire deux fois sa première partie. Une fois. Une fois? Ouais, parce qu'il l'a fait qu'une fois. Il l'a fait qu'une fois, d'accord. J'ai dit deux fois, bon, voilà, très bien. Je frapperai mon stagiaire qui. Non, pas du tout, c'est moi qui pose les questions. Comment Mos Def t'a contacté, du coup, pour sa première partie? Comment la rencontre s'est faite? Alors, il ne m'a pas contacté, moi, du tout, directement. D'accord. Il contactait la prod de Farid, à la base. D'accord. Et Farid dit, ok, moi, je vais venir avec un pote à moi. Et le gars, il dit, bah, vas-y, pas de souci. Et on y va. Et on est dans une petite loge, c'était à l'Élysée Montmartre. On était dans une petite loge et tout. Tu sais, on se faisait tout petit. Eux, ils arrivent. Des Américains, quoi. Ouais. Des gros renois américains. 150, ça fume. Moi, j'étais avec mon petit joint et tout. J'ai dit, j'ai peur de. Là, tout, je vais aller dehors. Je dis, excusez-moi, c'est où dehors? Ils font. Dehors. Et ils se mettent tout ça fumé et tout. Enfin, c'est aquarium, mon truc. Enfin, ils sont détentes. Ouais. Ils sont détentes, ils rigolent entre eux. Le mec est vraiment cool, quoi. Le mec est venu, il nous a serré la main. C'est. Tu as un peu peur d'aller le voir. Lui, il va directement à ta loge, te serrer la main, dire comment ça va et tout, les gars. Donc, t'es en mode, waouh. Gros. Grande classe, quoi. Yeah. Et du coup, les Montmartre, évidemment, le guichet fermé. Ouais. Giga soirée, quoi. Blindé. Et j'avais cette appréhension parce que je déteste jouer devant des gens debout qui sont dans une condition concert. Je déteste ça. Mais là, je me dis, il y a un truc à faire. Puis c'est Mos Def, tu vois, c'est un pote à Dave Chappelle, ils ont l'habitude. Aux États-Unis, c'était beaucoup d'inviter une première partie humour. En France, moins, mais aux États-Unis, c'était beaucoup d'inviter une première partie humour avant un show. Un et les gens sont en mode. Ah. Donc, ils voulaient, bah, que ce soit comme ouais, là. J'ai appris d'ailleurs sa première partie, c'était Patti LaBelle. Ouais. Du coup, tu vois, ça change Patti LaBelle. Autant les humoristes aiment prendre des musiciens, autant les musiciens aiment prendre. Oui, complètement. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Et donc on se dit, on va le faire. Vas-y, on le fait, on s'en fout. J'arrive, bam. J'ai direct leur attention. Donc déjà, c'est tout de suite plus facile. Tu vois la salle qui écoute, même s'ils sont debout. Et ça tape des barres, ça applaudit, ça rigole. Tu te dis, waouh, ouais, ça y est, on l'a fait, quoi. Ouais. Je jouais quelques temps après. Il y a plein de gens qui sont venus qui me disaient, ouais, on t'avait vu à l'Élysée Montmartre. Ouais. Donc tu vois, c'était cool. Ouais, ouais, très chouette. C'était très, très chouette, ouais. J'en profite de dire que moi, je suis pas jaloux du tout. Il y a Patrick Sébastien qui m'a contacté pour la sienne. Voilà. Ça commence comme ça. Pour les auditeurs, ça se passe à l'hôtel de ville de Conflans-Sainte-Honorine. Bah, je vais te dire un truc, fais-la. Fais-la. Ça va être un tremplin. Non, mais en vrai, fais-la. Fais-la. Et après, peut-être qu'il va dire, je peux l'inviter dans mon émission. Oui, voilà. Top. Il va tu faire prends l'émission. Artistique, il va tu tomber. Tu prends l'émission. Tu te fais des millions de vues. Tu te fais des millions de contacts et à la fin tu dis bon ok maintenant mon vrai message c'est ça, j'ai jamais été pour Patrick Sébastien qu'il aille se faire foutre en fait je le hais, tourneur de serviettes. Tu avais fait aussi une première partie plus improvisée, c'était celle de Laurie Neal. C'était pas improvisé du tout, c'est ça qui, d'accord, est... D'accord. C'est ça qui okay. est dingue, ouais. C'est que tout le monde pense que c'était improvisé. Non, c'était prévu, il y avait un contrat, c'était signé, c'était en mode on était prévu quoi, c'est juste que qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a pas tout qui était prévu quand même, les 2h30 de retard, c'était non, tout prévu. Bah oui, non, mais ce que je veux dire, non, mais je veux dire coup, contractuellement. Ouais. Vous deviez passer, ouais. On devait passer. Ouais. On était là, les autres artistes qui devaient passer avant nous étaient là, à l'heure, tout le monde était là. C'est juste que. Il y a une Laurie Neal entre temps. Ah bah c'est une diva, hein. Ouais. À un moment. À minima, ouais. Elle s'est fait seulement huée, hein. Elle s'est fait seulement huée, mais. Non, mais. Franchement, moins que nous déjà. Si je peux me permettre. Et elle s'est fait seulement huée les 15 premières minutes. Après, elle a chanté, les gens ont kiffé, et elle s'est fait huer parce qu'après c'était trop court et qu'elle s'est fait couper. Elle a fait une demi-heure de concert. Par contre, personne n'en a parlé, mais enfin, si, ils en ont parlé, mais le lendemain, elle a tout niqué. Ah oui, d'accord. Elle a fait un spectacle de folie. Moi, j'avais deux places, je les passe à ma sœur et son chéri. On dit, mais mec, c'était ouf, les gens dans la salle étaient ouf. Tout le monde était, parce que les gens ont compris. Ils ont dit, ils sont arrivés à l'heure, ils ont dit, ouais, mais connaissant Laurie Neal, venez, on rentre 1h30 après. Ouais. Donc, ils étaient tous dehors en train de boire, fumer, discuter. Une bonne ambiance, les gens n'étaient pas en attente comme la veille. La veille, les gens sont rentrés, ils étaient là depuis 16h, il y a des gens qui dormaient sur place, ils sont rentrés vite dans la salle, ils se sont tassés, ils avaient froid, ils ont 2h30 de... Bah, tu fais rien, ça. C'est impossible, alors que là, les gens avaient tout de suite compris. C'était préparé, arrivé devant Bercy, ça sentait la fumette, l'alcool, les gens étaient... Il y avait une trop bonne ambiance, il y avait une meilleure ambiance. Il n'y avait que 3000 personnes à l'intérieur à 21h, tu vois. Et nous, on devait rejouer ce jour-là. Et quand on a vu qu'il y avait 3000 personnes, on a dit non, c'est mort. Ouais, j'imagine. On ne peut pas repasser une deuxième fois. Moi, j'ai peut-être avoir des rires, mais du sale vide, franchement. Ah ouais, Bercy avec 3000 personnes, je pense que ça résonne beaucoup. Ouais. Ah ouais. On a l'impression, et ce sera mon avant-dernière question, avant d'en arriver à la question promo, ça passe vite, toutes les bonnes choses ont une fin, hélas. Absolument. Très on a l'impression que tu t'es trouvé, mais que le risque de s'enfermer dans un carcan subsiste aussi. Quels seraient d'autres thèmes, éventuellement, que tu aurais envie d'aborder pour la suite de ta, j'espère, longue carrière ? Alors, les autres thèmes que j'aimerais aborder... Non, j'espère, longue carrière. Non, mais déjà, je pense que je m'enfermerai pas dans un carcan parce que ce sujet-là, il se renouvelle tout le temps. Ça, c'est vrai. T'as des actus tout le temps, c'est impossible que tu t'enfermes dans quelque chose. Ouais. Non, mais je veux dire que les gens se disent, tu vois, c'est l'humoriste expert sur les questions, enfin, tu vois. Moi, ça me va. Okay, bon, ça me va, mais alors attends. Si je devais parler d'un autre sujet, bah, je crois que je ferais un sujet plus sur l'être humain en général. L'être humain, comment je le connais, donc. Oui. Comment je le vois, comment je le perçois. Genre quoi, le beauf, par exemple ? Non, plus. Je pense que ça restera d'actu. Enfin, des vannes un peu politisées, tu vois. C'est, c'est plus me dire. On est tous là en train de se dire qu'il y a 1% de la planète qui détient la moitié des richesses. Détient la moitié des richesses. Mais on se dit, attends, les gars, on est 6 milliards et quelques. Si on enlève les 1%, on est 7 milliards. Enlève les 1%. Comment ça se fait que ces 1% arrivent à niquer 99%? Mais alors, cette question. Alors que dans n'importe quel truc, hein, t'as un petit mec, t'as quelque chose en plus. Il tient pas. Frère, on est plus nombreux que toi. Mais on va te défoncer. Tu sais, donne le truc. Mais c'est des mathématiques. Mais là, nous, on est là. Non, on sait. Mais ils sont tellement forts parce qu'ils ont réussi à créer des dépendances partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, il y a ce côté, voir le point de vue de ces 1%. Pourquoi ils sont là? Comment ils sont arrivés à être là? Pourquoi on les dégage pas, et le point de vue aussi de ces 99% de pourquoi on ne se bouge pas, ou pourquoi on... En fait, je pense qu'ils ont... C'est ma théorie, hein. Ouais. Je pense qu'il y a deux siècles, peut-être. Il y a des mecs qui ont compris quelque chose que d'autres n'ont pas compris. un petit groupe de mecs qui ont compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Ils ont dit, ok. Ouais, ça sent bon. Ouais. Pour avoir ça sur des siècles et des siècles. Et... C'est ça, mon gars. Ouais. On a trouvé le truc. Et ils auraient divisé pour mieux régner. Pour moi, ça a été le meilleur truc. Ouais. Ils l'ont fait partout. Ils l'ont fait aux États-Unis, ils l'ont fait en Afrique, ils l'ont fait partout. Encore aujourd'hui, c'est ça le credo. C'est divisé pour mieux régner. C'est tentaculaire de ouf en plus. Et ils ont aussi créé les dépendances surtout, tu vois. Aujourd'hui, il va dire aux gens, vas-y, d'accord, on arrête. On coupe votre électricité. Ouais. On vient à la bougie, arrêtez l'essence. Ok, d'accord, pas de souci, on arrête. Ouais. Les gens vont se suicider. Il y aura oui, des suicides. Nos vies, en fait, nos vies sont que des dépendances accumulées, quoi. C'est ça. Donc d'un côté, on est tenu par ce truc de ouais. « Non, je veux pas ma petite dose. ma petite dose, je suis bien dans mon canapé, moi. » Tu vois, et ce côté... Ouais. Et ce côté. Mais moi, je suis persuadé, encore une fois, que les gens se bougeront quand ça les touchera réellement. Tant que ça te touche pas... Oui. Tu vois, là, les gilets jaunes, ça a commencé pour quoi? C'était pour 40 centimes sur du pétrole. Ouais. Ouais, c'est et puis là, maintenant, ça... Tu vois? Ouais. Je sais qu'il y a plein de gens qui se disent « Non, moi, je fais pas concerner par les gilets jaunes. » Parce que pour l'instant, ça te touche pas... directement ton porte-monnaie, mais le jour où ça va être ton porte-monnaie, ouais. ta famille, truc, je te jure que tu vas te lever. Ouais, bien sûr. Et puis c'est pas 100 euros en plus qui vont changer les choses, quoi. Ah, pff. 100 euros en plus. Ouais. Bon, on est quand même à l'acte 47, là, je crois. Ouais, c'est donc, à mon avis, ça n'a pas changé grand-chose. Ouais. Eh bien, écoute, Lenny, ce fut, mais alors, un plaisir. Ce fut un plaisir pour moi. J'ai pas vu le temps passer. C'était incroyable. J'aurais pu continuer encore longtemps. Ah ouais, ouais, ouais, merci. C'est ouais, vraiment ouais. cool, vous avez fait du bon travail. Ouais, bah écoute, merci. Infiniment. Merci à toi. On en arrive à la dernière question. Allez. Et vas-y, là, t'as le temps, sors-nous ton actualité. Ok. Bien, vas-y, alors. Alors, il me reste. Là, on est le. Bah, du coup, je sais pas quand ça va se passer. Alors, l'enregistrement est aujourd'hui le 21 mai. Ok. Et bah là, il me reste 4 dates. 4 dates. Avant les vacances. Ok. 4 dates. Tu joues pas du tout en juillet-août. Alors, ce qui va se passer en juillet, c'est que juillet, début juillet, je pars à Montréal. D'accord. Pour aller jouer là-bas. Et ah après, ouais. Je reviens, je vais faire des petites dates pour tester des trucs dans les petits cafés-théâtres et ouais. tout. Mais j'aimerais bien partir. Là, j'essaie de voir pour partir de mi-août à mi-septembre en Côte d'Ivoire. Tu sais, je suis parti jouer en Côte d'Ivoire il y a 2 mois. Cool. Et j'ai eu la chance de rencontrer la fille d'Amadou Ampateba. D'accord. Amadou Ampateba, c'est l'homme, c'était un conteur en fait, Peul, qui a réussi à traduire la plupart des langues africaines en alphabet latin et arabe, mmh. hein, donc qui a pu donner le savoir sur l'histoire africaine à pas mal de gens grâce à cette traduction, tu vois, parce qu'avant c'était que de l'oral, tu vois, donc c'était compliqué à traduire pour les gens. En tout cas pour les gens de la diaspora qui parlaient pas, ouais. c'était très compliqué. Et donc j'étais invité à sa fondation, j'y suis allé, c'était magnifique. Franchement, c'était magnifique. Ouais. C'était, en fait, tu te dis c'est ouf parce que la Côte d'Ivoire a des trésors, vraiment a des trésors. Quand tu rentres là-bas, il y a des lettres de ce mec, des lettres des présidents du monde entier qui ont écrit, tu vois, Kennedy, ouais. tu vois, c'est pas n'importe qui, tu vois, et c'est laissé sur des tables, sur un truc. Non mais tu dis ça, n'importe qui en France a ça, c'est dans un musée, tu vois. Mais là-bas, j'ai l'impression que bah, le gouvernement actuel, en tout cas, est plus intéressé par l'argent des ventes, des richesses du pays, plus que par... la culture qui pourrait amener une manne financière avec du tourisme. Tu fais des musées avec ça. Ce mec mérite sa place dans un musée. Ses livres méritent sa place dans un musée. Et en fait, bah, j'aimerais y retourner un mois parce qu'elle m'a invité pendant un mois à pouvoir étudier là-bas. Donc j'aimerais bien t'en faire un peu là-bas pendant un mois. Cool. Eh bien écoute, nous on te souhaite du succès à fond. Ah, une dernière chose, parce que si je le dis pas, on va me tuer. Alors logiquement, je devrais reprendre à partir de fin septembre. Au Beau Saint-Martin, les jeudis, vendredis, samedi, 21h30. Cool, bah très bien, bah ça c'est super important. Effectivement, t'aurais tué. C'est logique. Mais je le rebalancerai, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, Raph. Merci à vous. Exceptionnel, merci comme d'habitude. Raph, cool. Merci beaucoup. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de LOL Me Tender. Tender. Voilà. Tender. C'était moi.